La délégation du Comité national contre les sinistres d'urgence, conduite par son président Kang Il-so, a quitté le 29 courant Pyongyang par vol pour participer à la conférence ministérielle asiatique sur la réduction des dangers de désastre prévue à New Delhi de l'Inde.